Batté. Adolphe Mouté Batté. Yeti. Oko mi ko panza nga isango pasi parla. Boni o nino baby seranga reputation. Na profil na yo na WhatsApp o sa ero nina ngay. Ba biblikasyo nyo so kaka ba foto na ngay. Ea ea ea. Bobe muya ya Hero Mobile. Le pare international George Liboa. Ela o ya ki na ngay polisao. Depuis au côté de la boli, mon amai couple de bas. Oyeba qui gêne, c'est la qui n'a moins si n'a d'accord. On s'en y a son bon trouble, foyer en aïe. Christelle Wabali. Polingon y a un son matata et sang à kate. Kosson a fait qu'au bout de sa réalité à bolingo. Nan y a un coma mingi na bolingo foyo. Kokanisate yo, kobutura y a bon aïe à moi si n'a aïe. Et no Diego Chimanga, le cœur de maman Ingrid. Le prince de Lula de ABV. Baloba pete na mosa pesa sira sete Oya nana sherito la taba pete na motema Koko kota se Aye La boyu ke bana yo Kedi mo konzi a Irlanda Ador pe mute bachila mwina Aposa kiyo na nyoso abala e Aliane yanza e Debora mbongo La muka na pongi po asa e Ete boimbo ke la klasa Baliba za baking Severin tota Blaise et Dilo, Anderson et Likoto, panneau géant, Junior Mondad, États-Unis, Irène, palmarès, Bibi Kapila, Mopis de la RSS, Cynthia Kapachi, Ela ke banayo e mobalo sa koloka za okimbe akosa kiona nyoso abala e Jenny play na London suto kate la muka na mpongi kwaza e aibe Junior Aziz Django Emerite Mayalos Derike Mayalos Lulu Lers Croquette Elvis Nkoy, Jacques Ndala. DJ Nicole Dibango, RTC. Dispongo. Les bons ventriers. Maître Matoné Israël. César Pasioti Angoy Loboko et Anzambé. Ali Masufa, Bolette Mamadi, Commandant Okilotula. En fait, maman, je comprends pas que Donc, mobile à Moutou Azaladé, donc c'est là de l'île quoi, c'est comme pas les mots boués donc. N'a pas de l'année n'a pas de l'année, c'est dur, n'a pas de l'année, n'a pas de l'année, n'a pas de l'année, n'a pas de l'année. Eh, mais c'est pas possible. Donc, Moubali, pour coûter les rabots, il a pas là, et puis voilà. Pour les mani, et puis donc, à l'île, je peux prendre le soin, même pas yo, et puis même pas y a moi. Non. Papa, il n'y a eu que soi-disant à Bala. Ah bon? Donc, à Bala, c'est quoi? Donc, cela veut dire quoi? Donc, c'est quoi? Vous avez des soumis. Le problème, n'a pas été allé qu'à Sundoli, Maramouana. N'a pas ça, la mini. Ah, mais vraiment, franchement, c'est pas possible. Malong, il doit aller pour vendre un mois d'enquête. Moukala Koulombo doit profiter de Kalanga, c'est le Zaya à Keto à Kwana. Moubaka Yakala, Namona Yakala, vous êtes prêt au Moulembo. Mouzodiko, vous êtes prêt au Moulembo, vous êtes la Kalakena. Donc, Moubaka Yakala, vous êtes prêt au Moulembo, vous êtes prêt au Moulembo, vous êtes prêt au Moulembo. Moya qui padre, Abaka Keto à Kimama si. Donc, moi, c'est ceux qui n'ont pas les moulins à Lingala. Ceux qui déjà ici au Moni Moubali, et ça, là, tu le pète, pour mettre à Lingala, parce que, et ça, Bali déjà. Couple Chabani Record, Patrick Zola, y'a Patricia Zola, Dodo Dikia, Switzerland, Zenit Ntoum, Toubi Moui, Jadon Bodo, Yiden Zomo Mokondi Angaba, Paolo de Souza, y'a Blandine de Souza. Lilim Bayabo, Laetitia Bea, Linda Kenzo, Naomi la Perle Rare, Natacha Caprice, Bézi Saxe, Rocky da Silva, Clarisse Bomboko, Chris Nkelele, MC Smalto, Cédric Lutumba Nio, Fabrice Mbemba Alta Moda, Trésor Pembele, Général Gabira, Yamama Christine, Gauthier Mascotte, à London, Brigitte Swana, Patou Swana Lorenzo,